La représentation à Panmunjom de l'armée populaire de Corée a publié le 2 courant le livre blanc dénonçant les manœuvres américano-sud-coréennes Uzi Freedom Guardian de nature agressive. Elle condamne que les États-Unis et leurs fantoches sud-coréens livrent et agrandissent graduellement ces manœuvres depuis plusieurs dizaines d'années sous le couvert de la défense et de la sauvegarde de la liberté. Et d'indiquer. Face à notre attitude ultra dure, ils n'ont pu allumer la mèche d'une guerre nucléaire avant de baisser le rideau des exercices militaires. Mais ils n'abandonnent jamais leur ambition d'envahir le Nord. S'ils recourent toujours aux simulacres de guerre nucléaire contre le Nord, comme les Uzi Freedom Guardian, ils le payeront cher et sans pitié.